formule de courtoisie. Pourriez-vous me dire quelle heure il est? J'aimerais savoir quelle heure il est. Je voudrais savoir à quelle heure le train part.